Le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 21, en guise de ses profondes condoléances, une couronne mortuaire devant le cercueil du feu Seo Jong-un, lauréat du prix Kim Il-sung et artiste du peuple.